départ en diagonale extérieure. C'est amoureuse de lui ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais ça va pas, non ? Boring, exotique, star. large. L'eau, le ciel, les pierres, les herbes, torrents, rivières, feuilles mortes, nuages, soleil, poussière, des lignes, des points. Voilà tout ce qui reste. Le bruit de la terre qui se raréfie et s'amenuise. Tout est si minuscule. Des vents couvrent d'un halo solaire de beaux rafiots rouillés. Tout est si minuscule. Ce vieux piano bancal qui parle d'océan. Et le reste, il s'en moque. Respirer, c'est des rythmes. Courir, c'est des rythmes. La vie, c'est des rythmes. Faire l'amour, c'est des rythmes. Le cœur, c'est des rythmes. Nous n'allons pas enterrer notre culture. On va la sauvegarder. On va la sauvegarder. sauvegarder. On va la sauvegarder.

qui brille de ta vie. Mâche, mâche, mâche, mâche. D'empanage sans relâche à tous ceux qui te blâment. En danse, danse, danse, danse. Bouge et secoue tout ce corps de transe. Sur le ring, environné d'éclairs de magnésium, ils entonneront à tue-tête le Te Deum. Et avant même que tu te sois levé de ta chaise, ils te sonneront les cloches à toute volée. Ils te jetteront à la figure l'éponge sacrée. Tu n'auras pas le temps de voler dans les plumes. Ils se jetteront sur toi. Et il te frappera au-dessous de la ceinture. Tu t'écrouleras, les bras stupidement en croix dans la sueur. Et jamais plus tu ne pourras faire l'amour. Wake up and bang the tree. Oh, oh, don't go back and keep it. Douteuse. Les hommes avec des gants posés sur le volant d'un geste possédant. Les marins, les boxeurs aux superbes odeurs de houblon, de sueur. Ah, les beaux animaux vivants en liberté dans nos forêts de choux, de fer et de fumée. Les grands pâles méchants aux visages d'enfants, aux poignets de brigands. Les hommes aux mains païennes. forêt, le chaud. Et petite pluie. tes sarcasmes ne me toucheront plus. Je serai là, sur la plage des pendus. Tu ne m'aimes plus, je ne m'aime plus, non plus. Un malheureux appelé tous les jours, la mort à son secours. Pour un vie en blanc, rose, bleu. La vie en forêt, long, fossé, champ de foie, balle, image, fils, fabulé. Ce qu'on veut, c'est la vie en blanc, rose, bleu. La vie en revendique d'âge, la vie en blanc, sur blanc. Ce qu'on veut, c'est chaque la vie en bleu, rose, rouge, bleu, la vie en. T'as plutôt intérêt à pas prendre d'habitude. Arrête de saigner, tu laisses des marques rouges. La samba, oui. Le travail, non. J'aime pas les câlins, mais toi, bien sûr que je t'aime. Tes questions sur l'étagère à côté du linge sale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des paniers pleins de silence. T'es trop gentille, ça dépend de tout. Quand ça fait mal, on se sent vivant. Volonté avec un nuage de lait. J'aime pas mes seins, j'aime pas mes jambes. Qu'est-ce que tu veux comme musique? Je te tire le portrait, je te tire les traits. T'es trop gentil, laisse-moi. Je veux pas chanter, on m'a forcé à le faire. Moi, ce que j'aime sur les disques, c'est me taire. Boire de l'alcool avec mes amis. J'aime chanter quand vous êtes pas là. Qui étais-je? Je me sens toute nue sans mes fringues. Volonté avec un nuage de lait. Connaissez-vous les danses? Ce sont des danses qui se dansent. On danse. Connaissez-vous les danses anglaises? Ce sont des danses qui se dansent. En angle droit, il faut être trois. On met la musique, on danse. Madeleine passe sa main droite sous son coude gauche, se cache un côté du visage avec sa main gauche. Madeleine passe sa main gauche sous son coude droit, se cache l'autre côté du visage avec sa main droite. Retire sa main droite, de son coude gauche. Retire sa main gauche, de son coude droit. Se cache le visage avec ses mains. Avec la main droite, car l'autre s'est égaré. Avec la main gauche, car l'autre s'est effacé. Madeleine cache. Madeleine. Connaissez-vous les danses anglaises? Non. Madeleine passe sa main droite sous son cou. coude gauche. Ce sont des danses qui se dansent. Sans main ni visage. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine. Cache. Madeleine. On danse. Madeleine passe sa main droite sous son coude gauche, se cache un côté du visage avec sa main gauche. Dans un appartement avec vue sur le parc, on met la musique sans main ni visage. On danse. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine. Cache. Madeleine. On danse. Sans main ni visage. Bras dessus. Bras dessous. Madeleine. On danse. Cache. Sexe. Je peux pas. Dis ton sexe. Arrête, je peux pas, je déteste. Pourquoi ? J'aime pas les mots comme ça. Même sur la torture, je les dirai pas. Par exemple quoi, à part sexe ? F-R-U-I-T. Quoi ? Tu peux pas dire fruit ? Non. Et banane, pêche ? Sans problème. Abricot ? Peut-être. Et en anglais ? Je peux pas, c'est pire. Tu penses aux camionneurs ? J'en ai marre de faire l'autostoppus. Que le rectum des songes. Strange inside this bottom of your dream. Moi, antagoniste en nos draps spasmophiles. I'm a wreck on my own river. Je suis épave en mon fleuve. Insère-toi sur ma liquéfaction. Strange inside this bottom of your dream. Strange inside this bottom of your dream. As-tu remarqué nécrosé brut, mon silence plein d'orgasme, fluide sismique quant à logorée babillarde des sclérosantes. Are you ashamed of coming? Sudden flow of ecstasy. À ton émoi lubrifié. As-tu honte de jouir l'extase subite et borderline, l'énigme épouvantable des sécrétions branlantes? Ton œil digital qui m'enfle la vulve et ton envie de couler le long de mes lèvres bleues. what's inside this bottom of your dream. Strange inside this bottom of your dream. I'm a wreck on my own river. Are you ashamed? J'avoue, je n'ai pas de problème avec la honte.

avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer. Tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés, naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, vous dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires, l'amour en vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers, étranges, étrangers, étranges, étrangers. Étranges, étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Célestile, travers solaire, à ta venue je cile, je cherche à terre tes mots brisant ma sphère, tes gestes découpent l'espace qui me protégeait de tout, un rempart de tes mots, tes manières, venu passer le seuil, ma porte palière, tes mots empoignent l'air, je lutte, je garde un bout d'atmosphère qui faisait face. Une feuille si fine, à peine mille paroles colorées se pressent sans cesse, appréciées de tes pères, grisées par l'ivresse, enviées, vaniteuses, tu sais leur plaire. Tu fends le silence et sans pudeur, balayes les nuages de tes humeurs. Tu oublies le temps, tu oublies l'heure, tu écrirais sur tous les murs les peurs. Thank you. voile et ta carapace ne casse. Si ce torrent de mots voulait enfin laisser sa place face à ton éclat, je n'ai pas su renoncer au silence précieux de ma bulle bousculée. Refuge ou refus assumé, je veux bien le croire. Ta bouche choisit au hasard un regard. Tu ravis si négligemment un instant, une seconde de mon hésitation, prisonnière de tes frondes. S'adresse à moi de ses yeux clairs. Son corps s'anime et dessine des croquis dans les airs. Et chacune de ses lignes devient ainsi des figures libres dans des tableaux esquissés, formant le fil de mes pensées. De son regard tranquille, il dit les images de mes scènes comme la carte d'un territoire dont il me confierait les gestes. Et le silence se part de mes paroles échappées. Je crains que les mots ne puissent danser. À moins que mon voile et ma carapace ne cassent. Si ces mots retenus voulaient enfin prendre leur place face à ton éclat, je pourrais t'en renoncer au silence précieux de ma bulle bousculée. Mes refus, je refus assumer, je veux bien le croire. Mes pas choisissent au hasard un écart. J'esquive négligemment un instant, une seconde, et mon hésitation se dérobe à tes frondes. Des amis sont venus prendre un verre une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs, sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer un peu à la déraison. Sur le canapé, j'étais près de toi, oui, mais dans mes bras, ce n'était pas toi. Quand tu t'es penché pour me regarder, juste à cet instant, je t'ai désiré, puis tu t'es glissé tout contre mon corps, et je sens ta peau qui me brûle encore. Ainsi j'ai compris n'aimer plus que toi, et que nous faisions là n'importe quoi. Et puis un à un, vous m'avez caressé. Et puis un à un, j'ai su vous aimer. Dans mes mains, il y avait le temps. Et des diamants pour les démons. Thank you.

sauras-tu écrire pour toi, ô littérature. Quand mon corps ondule encore, comme des serpents constrictors. Diagonale extérieure. Vous êtes amoureuse de lui? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non? Boring, exotique, store. Pause finale.